Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, le martyr des yézidis d'Irak. Le 22 mars dernier, les forces démocratiques syriennes annonçaient la totale élimination de l'État islamique et de 50 guerres en Syrie et en Irak. 5 années qui ont vu jaillir du chaos autant d'histoires et de tragédies vite remplacées par d'autres. La chute de Mossoul d'abord, la bataille de Kobane, la destruction de Palmyre, l'exil forcé des chrétiens d'Irak et aussi un génocide qui n'a pas encore dit son nom, celui des Yézidis. C'est l'un des peuples les plus méconnus du Moyen-Orient. Depuis des siècles, son monothéisme mystérieux et syncrétique lui vaut une réputation d'adorateur du diable. Hérétique, quoi. En août 2014, l'État islamique, alors en pleine expansion, menace de l'éradiquer de la surface de la Terre. L'intention est clairement génocidaire. 200 000 yézidis sont alors jetés sur les routes, aux frontières de l'Irak, de la Syrie et de la Turquie. Des milliers d'hommes sont ensevelis dans des fosses communes, leurs enfants enrôlés de force parmi les combattants de Daesh, leurs femmes et leurs filles transformées en esclaves sexuels. Parmi elles, Nadia Mourad, prix Nobel de la paix en 2018. Aujourd'hui encore, elle se bat pour que le martyr de son peuple porte un nom et que commence enfin le grand procès des crimes de Daesh. Notre invité aujourd'hui, Frédéric Tissot, médecin de santé publique et humanitaire, médecin généraliste. En 2007, il devient le premier consul général de France au Kurdistan d'Irak, fonction qu'il quitte en septembre 2012. Il est notamment l'auteur d'un livre passionnant sur son parcours, intitulé « L'homme debout », édité chez Stock en 2016. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Pinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Nuit du 2 au 3 août 2014. Au nord-ouest de l'Irak, à quelques kilomètres de la frontière syrienne, s'étend une plaine déshéritée, terre ocre brûlée par la chaleur de l'été. Au pied des monts Sinjar, quelques villages disséminés, noyés sous un nuage de poussière. Ici, on est berger ou paysan, yézidi le plus souvent, car cette région est le berceau ancestral de cette minorité religieuse kurdophone d'Irak. Or, depuis plusieurs semaines, on n'y dort que d'un œil, nuit sans sommeil, ponctuée par le bruit des mitrailleuses et des bombardements. Ils arrivent, dit-on, ces maudits djihadistes, ces hommes en calaque, avec leur pick-up de malheur et leur drapeau noir. Depuis 2 mois maintenant, le monde entier a découvert l'État islamique en Irak et au Levant, Daesh en arabe. Le 10 juin 2014, à une centaine de kilomètres de là, Mossoul, la seconde ville du pays, est tombée entre leurs mains. 3 semaines plus tard, le 29 juin 2014, premier jour du mois du Ramadan, une vidéo sur Internet annonce la naissance du califat et le nom de son chef, Abu Bakr al-Baghdadi. Donc voici le drapeau de l'État islamique unifié, flottant haut et projetant son ombre d'Alep à Diyala. Et en dessous de lui, le mur des oppresseurs est détruit et leur drapeau abaissé. Et donc l'État islamique a décidé avec les anciens, les émirs, et la Choura de l'État islamique d'annoncer l'établissement du califat islamique. Et l'État a désigné en tant que calife le cheikh djihadiste, imam et descendant de la maison du prophète Abdullah Ibrahim al-Baghdadi. Et il a accepté la proposition et devient ainsi l'imam et le calife des musulmans partout. Désormais, l'État islamique a un nom, un drapeau et un chef, Baghdadi, qui revendique un territoire à cheval entre la Syrie et l'Irak, une surface immense. Daesh s'étend en effet au nord, d'Alep à Mossoul et au sud de Damas à Bagdad. La frontière entre les deux pays n'existe plus. Thank you. Derrière ces images officielles de victoire et d'annonce, pour une partie de la population, l'exil commence. À Mossoul, puis bientôt à Tel Afar, tombé en quelques heures, près de 50 000 personnes prennent la route vers l'ouest, en direction des monts Sinjar. Beaucoup d'entre eux font partie des minorités d'Irak, chrétiens, turcomanes, chiites, chabaks, yézidis. Considérés comme mécréants, menacés d'extermination, ils trouvent refuge sur les flancs de cette petite chaîne de montagnes, face à la furie meurtrière de l'État islamique. Depuis la chute de Saddam Hussein en 2003, le district de Sinjar est sous la protection et le contrôle du gouvernement du Kurdistan irakien, région autonome voisine. Face à la déroute de l'armée régulière, les combattants kurdes, les Peshmerga, deviennent alors le principal rempart contre l'inexorable avancée des djihadistes. Bien formés et réputés solides, ils tentent de rassurer les populations inquiètes. Promis, ils les protégeront au péril de leur vie. C'est ce que raconte Nadia Mourad au début de son autobiographie intitulée « Pour que je sois la dernière », publiée chez Fayard l'an dernier. Elle habite le petit village de Kocho, à l'extrême sud du massif. Nadia, à 21 ans, et ne dort, elle aussi, que d'un œil. Certains, dont plusieurs de mes frères, estimaient que nous devions être autorisés à assurer nous-mêmes notre protection. Ils voulaient occuper les checkpoints et en chercher à convaincre les autorités kurdes de les autoriser à constituer une unité yézidi de Peshmerga. Mais elles n'ont pas donné suite. Les Peshmerga nous assuraient que, tant qu'ils seraient là, nous n'avions aucune inquiétude à avoir, et qu'ils étaient aussi résolus à protéger les yézidis que si c'était la capitale du Kurdistan irakien. La promesse n'aura duré que 2 mois. Dans la nuit du 2 au 3 août 2014, sans le moindre mot, les Peshmerga fuient le Sinjar, abandonnant à son triste sort le village yézidi. Quelques heures plus tard, avant le lever du soleil, un bruit de grenade déchire le silence. Les djihadistes encerclent Kocho. Pris par surprise, le village se rend sans combattre et sans défense. La population est assiégée, parquée à l'intérieur des maisons, et malheur à ceux qui voudraient prendre la fuite. Pourtant, fuir, oui, fuir au plus vite. Pour les habitants et les déplacés de Sinjar, c'est bien tout ce qu'il reste à faire. Au même moment, en effet, durant cette nuit du 2 ou 3 août 2014, des dizaines de villages alentours sont attaqués simultanément par l'État islamique. Sinjar, la grande ville éponyme, 300 000 âmes, cité sainte des yézidis, tombe en quelques heures. 70% des bâtiments sont détruits. Ici aussi, les Peshmerga ont déserté en secret. Un repli tactique, diront-elles plus tard. Acculés par le bruit des Kalachnikovs, une foule immense est paniquée et jetée sur la route. 200 000 personnes, selon les estimations de l'ONU. Sur leurs arrières, les djihadistes de Daesh tuent tous ceux qui refusent de se convertir à l'islam ou ceux qui sont trop obstinés ou trop fatigués pour prendre la suite. Ils pourchassent ceux qui ne vont pas assez vite, leur tirent dessus, ils les égorgent. Pour les autres, commence une ascension désespérée de Mont Sinjar qui culmine à 1444 mètres d'altitude. Quelques jours plus tard, au micro de France 2, des rescapés racontent leur terrible épopée, la mort à chaque virage. Il était 2h du matin. Les terroristes sont arrivés dans notre ville. Ils ont commencé à tirer à l'arme lourde. On a essayé de se défendre. Ça a duré 7 heures. Mais nous n'avions pas assez de munitions. Il n'y avait rien à faire. On a dû partir. Je les ai vus de mes yeux prendre des enfants, des femmes. Certaines sont mortes. Je ne sais pas où ils ont emmené les autres. À un moment, deux jeunes qui étaient avec nous sont retournés en arrière pour chercher de l'eau. Comme ils ne revenaient pas, on est allé les chercher. On les a trouvés morts. On leur avait coupé les bras et la tête. On a dû les enterrer là et on est reparti. Au lendemain de l'attaque surprise des djihadistes, il est très difficile de savoir combien ils sont aérés sur les flancs pelés des monts Sinjar. Entre 10 et 40 000, estime-t-on. Or, ce refuge aride est en passe de devenir leur tombeau. Encerclés par la position djihadiste, dispersés dans une zone très vaste, ils ne peuvent recevoir ni aide humanitaire, ni soutien d'aucune sorte. Descendre dans la plaine reviendrait à signer leur arrêt de mort. Alors, sans eau ni nourriture, bientôt coupés du reste du monde par l'extinction de leur batterie de téléphone portable, ils meurent dans l'indifférence. La chaleur est caniculaire, les plus faibles partent les premiers. C'est aussi le silence qui les tue. Car à la différence des chrétiens d'Orient, les yézidis n'ont pas de relais en Occident. Il aura donc fallu attendre cette situation épouvantable, avec des milliers de yézidis prisonniers d'une montagne, pour enfin en entendre parler. La première à élever publiquement la voix s'appelle Vian Daril, seul député yézidi au Parlement irakien. Le 5 août 2014, deux jours après le début de l'offensive djihadiste au Sinjar, elle crie son désespoir en pleine séance avant de s'écrouler à bout. Une plaidoirie déchirante au milieu de députés silencieux. Depuis 48 heures, 30 000 familles sont assiégées sur le mont Sinjar. Sans nourriture, sans eau, elles sont en train de mourir. 70 sont déjà morts de soif et de suffocation. 50 personnes âgées sont mortes dans des conditions qui empirent. Nos femmes sont faites prisonnières et vendues sur le marché aux esclaves. Monsieur le Président, nous en appelons au Parlement irakien pour qu'il intervienne immédiatement et mette fin à ce massacre. Les yézidis ont enduré 72 génocides et c'est en train de recommencer. L'État islamique nous massacre, nous réduit à néant. Toute une religion est en train d'être balayée de la surface de la terre. Frères, je fais appel à vous au nom de notre humanité, au nom de notre commune humanité. Sauvez-nous. Monsieur le Président, je veux... Avant 2014, la majorité des gens n'avaient jamais entendu parler de la communauté des yézidis, estimée à 600 000 personnes dans le monde, dont un tiers dans la région du Sinjar. Mais là, tout change, oui, durant l'été de cette année-là. Et la question revient, teintée de mystère et d'inquiétude, qui sont donc les yézidis ? C'est ici, au cœur de l'antique Mésopotamie, qu'est né le yézidisme, culte pré-islamique vieux de plus de 6 millénaires. Sur son calendrier, nous sommes donc en 6769. Des études affirment qu'il s'agit ainsi de la première religion monothéiste connue. Les yézidis, en effet, croient en un dieu unique qu'ils appellent Xwedde, mais invoquent plutôt ses émanations, soit sept anges tutélaires, sorte de médiateur entre Dieu et les hommes. Le plus important, le plus vénéré d'entre eux est l'ange Pan, comme l'animal. Une vénération qui a longtemps focalisé les accusations portées contre eux. Le Pan a toujours eu, dans les civilisations méditerranéennes, une très forte connotation négative. Si bien qu'au Moyen-Âge, des savants musulmans, juifs et chrétiens ont cru reconnaître en l'ange Pan l'ange déchu des religions du livre, autrement dit Satan. Les yézidis seraient-ils des adorateurs du diable ? Cette accusation, en tout cas, a alimenté de vieilles haines tribales, comme l'explique le prélat catholique chaldéen d'Irak, Najeb Mikael. On a persécuté cette religion depuis des siècles, et pour deux raisons. D'abord, ce sont des gens passifs, et deuxièmement, c'est une religion très riche au plan connaissance, et on essaie de la défigurer en supposant qu'ils sont des adorateurs du diable. Et en réalité, d'après les recherches, ils n'ont rien à voir avec adoration du diable. Au contraire, ils ont peur de lui. Et pour éviter le mal provoqué par le diable, il faut le respecter. Donc ils respectent le diable, ils respectent le démon, mais ils ne l'adorent pas. Et s'ils vont en enfer, supposons, ils seront bien accueillis par lui. Et mais s'ils vont au ciel, Dieu est miséricordieux. Donc ils peuvent gagner les deux déjà ici-bas. Cérémonie dans des grottes, sacralisation des astres, sacrifice de taureaux, vénération de statuettes d'animaux sacrés comme le serpent noir, Transmis oralement à travers les âges, les rites yézidis constituent un singulier mélange qui intègre toutes sortes de traditions. Les yézidis, par exemple, comme avant eux les sabéens du Yémen, ne supportent pas la couleur bleue. Leurs interdits alimentaires concernent la viande de porc, les haricots, les petits pois et la laitue. Pour prier en journée, ils se tournent vers le soleil, la nuit, vers l'étoile polaire. La communauté est aussi régie par un imposant système de castes scindé en trois groupes. Les chefs politiques, les religieux, et puis le reste de la population, un petit côté noblesse, clergé et tiers état. Plus important encore, on est yézidi, on ne le devient pas. Aucune conversion n'est possible, et un mariage avec un non-yézidi peut être puni de mort. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé le 7 avril 2007 dans un village au nord-est de Mossoul. Ce jour-là, une foule de yézidis lapide une jeune fille de 17 ans, elle-même yézidi, parce qu'elle a offensé ses valeurs conservatrices en s'enfuyant avec un homme musulman. Ce lynchage, qui se termine par une mise à mort à coups de blocs de béton, est filmé au téléphone portable, puis largement diffusé sur Internet. Des extrémistes sunnites organisent alors des attaques de représailles, jusqu'à perpétrer 4 mois plus tard, le 14 août 2007, l'attentat le plus meurtrier de l'histoire, après celui en septembre 2001, bien sûr. Cinq camions ont explosé hier soir vers 20h dans 3 villages près de Sinjar, à la frontière syrienne. Visés, les yézidis, petite communauté religieuse paisible que les musulmans considèrent comme des hérétiques. En les frappant, les auteurs des attentats veulent prouver qu'aucune confession n'est à l'abri en Irak. Ces attaques, leur nature spectaculaire, ce total mépris des vies humaines, l'utilisation de camions suicides, tout cela porte la marque de violence d'Al-Qaïda en Irak. Le bilan serait de 796 morts et plus de 1500 blessés. Un drame de plus pour les yézidis. Depuis toujours, leur histoire n'est qu'une suite sans fin de persécutions et de fuites. Ils ont d'ailleurs un mot pour ça, un mot turc que tous connaissent, Ferman. Depuis l'essor de l'islam vers 630, ils en répertorient 73. À l'origine, le terme Ferman désignait n'importe quel décret impérial ottoman à leur encontre. Depuis l'arrivée de Daesh sur les monts Sinjar à l'été 2014, il est devenu synonyme de génocide. Désormais, les yézidis n'ont plus de terre et peut-être plus d'avenir. Le 7 août 2014, 2 jours après l'appel au secours de la députée yézidi Yandaril, le président américain Obama décide de leur venir en aide, militairement. Pour la première fois depuis le retrait de leurs troupes en 2011, les États-Unis s'impliquent donc directement dans le conflit en Irak au nom de ce qui semble être les prémices, oui, d'un génocide. Des femmes, hommes et enfants yézidis de la région de Sinjar ont fui pour leur survie. Des milliers, des dizaines de milliers se cachent en montagne n'ayant que les habits qu'ils portent. Des gens meurent de faim, des enfants meurent de soif. Les troupes de l'État islamique appellent à la destruction systématique du peuple yézidi, ce qui constituerait un génocide. Il faut agir tout de suite. Des avions américains ont commencé à larguer des vivres et de l'eau pour aider ces personnes désespérées. Le lendemain, les premières bombes américaines sont larguées dans la région de Sinjar, pilonnant plusieurs positions djihadistes. Dans le même temps, les États-Unis et l'Irak mettent en place un pont aérien et larguent sur la zone des vivres et de l'eau pour venir en aide aux milliers de yézidis prisonniers des montagnes. L'aide humanitaire française et britannique s'engage, elle aussi. Pour les soldats sur le terrain, une sorte d'union sacrée se forme contre les djihadistes de l'État islamique. Les combattants de l'YPG, puissante milice kurde de Syrie, s'associent aux guérilleros du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, un groupe armé originaire de Turquie. Ils sont rejoints par les Peshmerga, combattants turcs d'Irak, qui ont fini par revenir. Une alliance rare qui dit toute l'urgence de la situation. Vers le 13 août, soit 10 jours après la prise de la région par les djihadistes, ils parviennent à ouvrir un corridor qui relie le Sinjar à la frontière syrienne. Le salut des yézidis passe désormais par un pont constitué de barges bleues qui flottent sur le Tigre, croulant sous le flot incessant des familles. Sur les eaux du Tigre, la barge du salut pour les miraculés de la montagne. Des centaines de yézidis de retour au Kurdistan irakien comme revenus de l'enfer, celui des monts Sinjar. On a beaucoup souffert. Des enfants sont morts parce qu'ils étaient affamés. Des enfants, mais aussi des femmes et des vieux. Beaucoup de décès par manque d'eau. Des centaines de yézidis sauvés aujourd'hui, mais des milliers d'autres encore en danger. D'après le prince héritier de cette minorité, inquiet pour leur survie. Je n'ai pas d'informations très précises, mais je pense que d'ici 10 jours, si rien n'est fait, on assistera à un génocide. Les rescapés évoquent alors les mêmes scènes d'exaction, d'une violence indicible. Les hommes yézidis sont massacrés systématiquement, ensevelis dans des fosses communes. Les plus jeunes, eux, sont transformés en enfants soldats. Les femmes et les adolescentes, elles, sont violées avant d'être internées dans les prisons de Mossoul tenues par Daesh, puis vendues sur des marchés comme esclaves sexuels. Certains réfugiés évoquent également le cas du village de Kocho, le premier à être tombé aux mains des djihadistes. Voici maintenant 2 semaines qu'il est en état de siège et personne n'a pu joindre ses habitants par téléphone. Parmi eux, Nadia Mourad. Le 15 août 2014, à l'instar de tant d'autres femmes, son destin va basculer dans l'horreur. Thank you. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Quand Daesh m'a enlevé, avec 150 filles de mon village et des milliers de filles d'autres villages voisins, ils nous ont emmenés, certaines à Mossoul, d'autres en Syrie, dans leur QG, et là ils nous distribuaient aux hommes de Daesh. Ils venaient nous voir. Ils nous choisissaient, ils nous emmenaient au tribunal islamique à Mossoul. Et là, ils nous ont pris en photo, ils ont accroché les photos pour qu'ils puissent nous vendre et nous acheter ou nous échanger contre d'autres filles. Le 5 octobre 2018, Nadia Mourad, jeune yézidi alors âgée de 25 ans, reçoit le prix Nobel de la paix pour ses efforts visant à mettre fin à l'utilisation de la violence sexuelle comme arme de guerre, comme le dit mot pour mot l'intitulé de la récompense. Le soir même, elle est invitée sur le plateau de France 24. Depuis son évasion des geôles de Daesh en novembre 2014, elle ne cesse de témoigner, porte-parole d'un peuple meurtri, et n'a désormais qu'un seul souhait, être la dernière fille au monde à devoir raconter une histoire pareille. Le 15 août 2014, Nadia Mourad est enlevée dans son village de Kocho par les djihadistes et envoyée à Mossoul. Elle est désormais une sabia, un butin de guerre, une esclave. Avec des dizaines d'autres filles, elle est installée dans une belle demeure du centre-ville, là où les combattants de l'État islamique viennent faire leur marché. Certaines n'ont pas 10 ans. Chacune a un prix, variant en fonction de son âge, de sa virginité, de sa couleur de Dieu. En novembre 2014, une vidéo glaçante est divulguée sur Internet. On y voit des djihadistes tranquillement installés dans un salon, discutant en rigolant de la vente et de l'achat de femmes yézidis. Où est ma fille yézidi? Frère qui vend son esclave, je l'achète. Je vends. Combien? $300 et un pistolet. C'est bon. Nadia Mourad est choisie par Haji Salman, membre de Daesh. C'est lui qui va la conduire au tribunal islamique pour enregistrer sa conversion. Car les jeunes yézidis doivent renoncer à leur religion si elles veulent avoir une chance de survivre. Parce que Nadia dit qu'elle a ses règles, l'union n'est pas célébrée la première nuit. Mais la deuxième, on lui donne une robe courte, noire et bleue, à fines bretelles, du maquillage et de la crème dépilatoire. Et elle est violée pour la première fois. Chaque seconde est terrifiante. Les coups s'accompagnent des cris de Haji Salman, fier de violer enfin sa sabia. Et moi, je n'étais qu'une enfant qui appelait sa mère en pleurant, écrit-elle dans son autobiographie. Jour et nuit, la viole. Le reste du temps, elle fait ménage, la cuisine. Un soir, alors qu'il boit le thé avec ses gardes au rez-de-chaussée, elle enjambe la fenêtre, prend appui sur une brique et s'apprête à s'enfuir quand le bruit d'un fusil qu'on arme l'arrête. Une voix lui ordonne de rentrer. Pour sa punition, Haji Salman commence par la fouetter, puis la fait se déshabiller et invite les 6 gardes. Il n'y a pas de vie avec Daesh. Nous n'étions pas en vie. On ne savait jamais quand il viendrait. De jour comme de nuit, il venait nous violer. Les filles venaient de Syrie et d'Irak. Ces hommes, tout ce qu'ils faisaient, c'était tuer d'autres hommes et violer les femmes et les filles. On était vendus et revendus. On n'avait pas de vie. Nous ne nous sentions pas en vie, nous nous sentions mortes quand nous étions avec eux. Ensuite, Nadia est envoyée dans le nord de la plaine de Ninive à Amdinia, où est bêtée, malade. Elle appartient à tous. Alors, elle s'accroche à la vie. Et vivre, c'est fuir. Un certain Hadji Amer la ramène à Mossoul. Un jour de novembre 2014, il sort sans tirer le verrou et Nadia s'échappe. Dans cette ville inconnue, elle aperçoit une maison qui lui rappelle celle de son village. Elle frappe à la porte. Une modeste famille musulmane l'accueille, la cache, lui procure de faux papiers d'identité et l'accompagne à Kirkouk, d'où elle rejoint les lignes kurdes. Dans un camp de réfugiés, Nadia retrouve un frère, Ezni. Les six autres sont morts. Elle apprend aussi que le jour où elle a été enlevée à Kosho, sa mère a été exécutée avec 80 femmes âgées. En tout, 14 membres de sa famille ont disparu. Elle prend alors contact avec une organisation de soutien aux Yézidis qui l'aide à retrouver sa sœur en Allemagne. Elle la rejoint un an plus tard, en novembre 2015. C'est dans ce pays où elle vit toujours et dont elle loue régulièrement l'accueil fait aux Yézidis qu'elle s'éveille au militantisme. Elle se bat désormais pour faire reconnaître le génocide de son peuple. Comme en ce 19 septembre 2016, lors d'un discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies qui fera date. Si les décapitations, l'esclavage sexuel et le viol des enfants, si tout cela ne vous force pas à bouger, quand le ferez-vous? Vous et vos familles ne sont pas les seuls à mériter la vie. Nous méritons aussi de vivre. En Irak, les combats continuent. Le 13 novembre 2015, 16 mois après l'offensive de Daesh au nord-est du pays, la ville de Sinjar est libérée par les forces kurdes syriennes. Mais la reconquête de l'ensemble de la région durera encore 2 ans. Parmi les combattants, de nouvelles milices voient le jour, composées de yézidis comme les YBS, unité de résistance de Sinjar. En tout, il serait 3000 à avoir pris les armes. Et parmi eux, de nombreuses femmes. Certaines sont des ex-otages de Daesh. Et l'un de leurs bataillons s'appelle les Filles du Soleil. En mai 2017, les derniers villages martyrs, dont Kosho, sont enfin libérés. Mais reste un goût amer. 90 000 yézidis ont préféré émigrer principalement vers l'Allemagne et le Caucase. Ceux qui sont restés, entassés dans des camps ou exploités dans des fermes kurdes, ne pensent qu'à partir. Car la zone reste un volcan géopolitique. Chaque faction qui a participé à la libération du Sinjar s'y est taillé un fief qu'il entend conserver. Le PKK, que la Turquie et une bonne partie de la communauté internationale qualifient de groupe terroriste, contrôle le nord-ouest, la frontière syrienne et le sommet. Les Peshmerga, kurdes également, mais commandés par le PDK, Parti démocratique du Kurdistan d'Irak, vieux frère ennemi du PKK, ont des organisations au nord, à l'est et autour du chef-lieu de district Sinjar, devenu ville fantôme. Dans sa débâcle, Daesh exécute des centaines d'otages. Et de nouvelles fosses communes sont régulièrement découvertes. En 2018, la mission des Nations Unies et le Bureau des droits de l'homme en Irak avancent le chiffre de 202 charniers dans le nord et l'ouest du pays, non loin de la frontière avec la Syrie. Nous sommes au sud-ouest de Sinjar, au milieu d'un champ. Sous l'herbe jaunie par la sécheresse, des vêtements affleurent le sol et des ossements sont éparpillés çà et là. Une mâchoire, un crâne, un fémur, vraisemblablement déplacé par les rapaces ou le ruissellement des eaux. Face à nous, 3 monticules de terre de 3 mètres sur 10. Cher Nasser, membre du PDK, le parti au pouvoir au Kurdistan, se baisse pour nous montrer l'épreuve du massacre. Ça, ce sont des douilles de Kalachnikov. C'est avec ça qu'ils ont tué notre peuple. Et vous voyez ce bandana-là? Ils ont bandé les yeux des yézidis avant de les tuer. Et dans ces 3 fosses sous la terre, là, il y a presque 150 personnes, des femmes, des enfants. après avoir perdu Mossoul et Raqqa, le dernier bastion de l'État islamique en Syrie, Barouz, tombe le 23 mars 2019. Fièrement, le président américain Donald Trump annonce que Daesh est vaincu à 100% en Syrie, montrant à des journalistes des cartes des régions autrefois détenues par l'organisation djihadiste. À son apogée, en octobre 2014, Daesh contrôlait en effet près du tiers de l'Irak et la moitié de la Syrie. Aujourd'hui, plus rien. Mais si le califat proclamé par Abu Bakr al-Baghdadi s'est effectivement effondré, crier victoire est prématuré. Car la lutte contre le terrorisme promet d'être longue et Daesh continue de développer des cellules dormantes dans les territoires perdus. Chez les yézidis, on s'est efforcé à faire les comptes. Entre 2000 et 5500 d'entre eux auraient été tués, 6500 auraient été faits otages, parmi lesquels 3000 femmes resteraient toujours introuvables. Pour celles qui ont pu s'échapper, un autre cauchemar a commencé. Celui du traumatisme et des terreurs nocturnes, de l'impossible deuil des morts sans sépulture, celui du déshonneur parfois aussi. Dans la très conservatrice communauté yézidi, certaines de ces femmes sont stigmatisées après les viols dont elles ont été pourtant victimes, et même si le conseil spirituel a appelé à tout faire pour les réintégrer. Et puis il y a leurs enfants, systématiquement enlevés, promis à devenir les lionceaux du califat, comme les appelle l'État islamique, qui les a endoctrinés et entraînés au combat. Mais à l'heure où Daesh n'est plus, ou presque, le sort de ses enfants, brisés par l'horreur de la guerre ou fous à vouloir tuer en son nom, soulève de brûlantes interrogations dans leur pays d'origine. Qu'adviendra-t-il de cette génération perdue? Doit-on traiter les enfants soldats comme des victimes ou des bourreaux? Et comment les ramener à la vie? Un défi qui se pose aujourd'hui aussi en France, à l'heure où le gouvernement débat sur le rapatriement ou pas de dizaines d'enfants de combattants français de Daesh détenus dans des camps en Irak ou en Syrie. Oui, la lutte contre le terrorisme promet d'être longue, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de nos frontières. Vous Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le drame des Yézidis dont nous allons parler avec notre invité Frédéric Tissot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste et médecin de santé publique et humanitaire. En 2007, vous devenez le premier consul général de France à Erbil dans le Kurdistan d'Irak, fonction que vous quittez en septembre 2012. Vous êtes également l'auteur de ce livre intitulé « L'homme debout » édité chez Stock en 2016. Deux baroudeurs de la médecine humanitaire, selon la formule de Bernard Kouchner. Vous devenez donc diplomate, nommé fin 2007, premier consul général à Erbil, au Kurdistan irakien. Qu'est-ce qui justifiait la nomination d'un consul dans cette région, déjà? Rappelons l'histoire. Nous avions loupé l'histoire d'Irak, puisque nous nous étions opposés. Ah, en 2003. En 2003. Mmh. Et depuis 2003... Le gouvernement français, quand même, essayait de se rapprocher à nouveau de cet ami, l'Irak. Je vous rappelle toutes les amitiés difficiles. Oui, entre Saddam Hussein et certains de nos dirigeants. Jacques Chirac, en 76. Donc, qui avait permis à la France, une fois de plus, déjà à l'époque, de s'enrichir énormément. Nous n'avions jamais été payés, puisque... Après, Saddam Hussein n'était plus capable de payer la moindre dette, même s'il s'était servi largement de nos armes. Enfin, ce n'est pas le sujet. J'ai été nommé, justement, alors il se trouve que mon passé humanitaire m'avait permis de connaître très bien cette région du Kurdistan, aussi bien le Kurdistan d'Iran et le Kurdistan d'Irak. Et donc, le Quai d'Orsay, Bernard Kouchner, a choisi à ce moment-là, au lieu d'envoyer, comme il le disait à l'époque, un diplomate qui n'y connaissait rien, il avait choisi d'envoyer un médecin qui connaissait très bien cette zone, qui était très connu aussi, qui parlait le kurde et qui savait ce que c'était qu'un kurde. Et c'était quoi votre mission? C'était représenter la France. C'était, voilà, consul général. Il n'y avait pas un Français à enregistrer, mais il y avait en tout cas la France à représenter. Et effectivement, toute ma mission, hein, qui n'avait pas été écrite, c'était de faire en sorte que les Kurdes et les Irakiens ne continuent pas une bagarre, une guerre, une nouvelle guerre, alors que nous étions en train d'essayer de calmer ce qui avait été la guerre en Irak. Et il ne fallait pas qu'à nouveau, il y ait un conflit entre les Kurdes du Nord et les Irakiens. Oui, ce qu'on sait, ce que ça donnait, sous Saddam Hussein notamment. Hein, tout à fait. Des populations gazées par Saddam Hussein. Tout à fait. Al-Abja, mars 88. Bien sûr. Vous en aviez parlé à l'époque et j'étais déjà votre invité. Oui. C'était Al-Abja. Ce ne sont vraiment pas des sujets amusants dans cette région. Non, malheureusement, c'est comme ça. Et là, je vous remercie d'avoir fait cette émission sur le martyr des Yazidis, que je n'ai pas connu de près puisque je n'étais plus en mission, mais dont j'ai connu beaucoup de personnalités, notamment Viane Daril, qui avait... Qu'on a entendu, qui pleurait, criait et demandait au président du Parlement irakien de faire quelque chose pour empêcher que les islamistes Daesh continuent à massacrer, à génocider son peuple. Et ça, c'est à partir de ce moment-là que j'ai été, parce que j'ai entendu ça, le lendemain, j'appelais Viane Daril, que je connaissais. Lorsque j'étais consul général au Kurdistan, elle était à l'époque conseillère du président du Parlement régional kurde. Et donc, elle m'avait fait cette confidence qu'elle était yazidi. Et là, vous êtes sensibilisé à ce qui paraît un problème, c'est beaucoup plus qu'un problème, c'est un drame humain, voilà, c'est une tragédie. Mondial, hein, c'est une tragédie. Tragédie absolue. On parle de génocide, alors vous savez qu'officiellement, un génocide doit être reconnu en fonction de certains critères, mais enfin là, on a une volonté génocidaire, puisque les gens de Daesh le disent bien, on va tous les tuer, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Exactement, ils auraient pas dû naître, en gros. Exactement, et c'est pour ça que deux jours après, j'écris une tribune avec Bernard Kouchner et Gérard Chalian, puisqu'il fallait pour Le Monde des signatures qui étaient mieux connues que la mienne, pour annoncer qu'effectivement, il faut faire extrêmement attention, car le génocide est en cours. Mais sauf que c'est le 8 août, ça, en plein mois d'août en France, et je fais tout pour essayer d'ameuter, d'alerter notre gouvernement, pas notre gouvernement, notre président. Malheureusement, je n'y arrive pas, mais quand même François Hollande se rattrapera, j'allais dire, en visitant Erbil le 8 septembre 2014. Et le 12 septembre 2012 avant, il s'est rendu en Irak. On va écouter un extrait de son discours prononcé aux côtés du président Fouad Massoum. L'Irak fait face à une menace qui est celle du terrorisme. Une menace barbare qui est venue de Syrie, mais qui, hélas, mobilise des combattants venant de tous les pays du monde. Et c'est pourquoi cette menace globale appelle une réponse globale. Je suis venu ici, à Bagdad, pour discuter avec les nouvelles autorités irakiennes qui ont fait cet effort de s'unir pour dire la disponibilité de la France pour aider encore davantage militairement l'Irak dans sa lutte contre le terrorisme. Le 12 septembre 2014, donc il s'est rattrapé, François Hollande ? Mais bien sûr, avec Jalal Talabani. Oui, le président Talabani. Président, en 14, Talabani, était kurde, c'était Jalal Talabani qui était président. En tout cas, il s'est rattrapé, tout à fait, et il l'a montré jusqu'à la fin de son mandat. Et ce qui a fait que la France s'est tenue aux côtés des Kurdes, mais aux côtés des Yazidis, les Yazidis étant des Kurdes de religion Yazidi. Hein. En tout cas, je reprends ce que vous avez dit. Le génocide, c'est pas au nombre de personnes qui sont tuées. Non, c'est l'intention qui compte. C'est l'intention. Et l'intention a été déclarée, écrite au monde entier, devant le monde entier. Hein. Alors, je suis, pardon, parfois je m'attrape avec mes co-religionnaires chrétiens qui disent, mais ce sont les chrétiens qui ont été génocidés en Irak. Je dis, pardon, mais vous savez ce qui s'est passé avec les Yazidis? Les chrétiens n'ont jamais été génocidés. Ils ont été fouettés, certains ont été tués, on leur a demandé de partir, comme à Karakoche, etc., dans la plaine de Ninive, partout, mais ce sont les Yazidis qui ont été pris comme cible, et pas uniquement l'esclavage sexuel, la mort, c'était ça. Hein, ils veulent faire disparaître ces adorateurs du diable, comme ils disent. Et les mots que vous écrivez dans la tribune du Monde sont les suivants, hein, on en parlait tout à l'heure, vos mots exacts. À l'heure où fuient en masse les chrétiens d'Irak, dont certains ont pu gagner les refuges du Kurdistan, un autre carnage se perpétue. Donc vous l'avez écrit. Tout à fait. Noir sur blanc. Ensuite, vous continuez à vous engager. Tout à fait. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Je suis en contact étroit avec Viviane Daril pour faire en sorte que notre gouvernement, en tout cas, parce que je ne peux pas atteindre les autres gouvernements, même si je parle aux journalistes, de façon à ce qu'ils puissent effectivement témoigner de ce qui se passe, j'essaye de faire en sorte que notre gouvernement et notre président reconnaissent ce génocide et s'en préoccupent dans les instances internationales, mais aussi dans les relations bilatérales et multilatérales. Et je fais en sorte, Pascal Bourgault réalise le premier reportage à la télévision française. Pascal Bourgault, notre journaliste, ami journaliste belge, qui est sur TV5 Monde, qui réalise le premier en décembre, qui sort en décembre 2014, c'est le premier documentaire, si on peut dire, sur les femmes yazidis, sur l'esclavage sexuel. Et c'est à ce moment-là aussi que elle en parle, où les Kurdes, le gouvernement régional kurde, malgré ce qui s'était passé, comme vous l'avez très bien dit, comme cela a été très bien dit, ils avaient tourné le dos à leurs responsabilités lorsque les yazidis, le mont Sinjar a été attaqué, Comment se fait-il que les peshmergas qui vont au-devant de la mort... C'est un abandon quand même. Un vrai abandon. Je suis diplomate, ouais. Donc je ne dirai pas... Moi je suis journaliste, donc je peux dire. Mots. Vous pouvez le dire, et je reconnais votre, votre fine acceptation du terme. Mais non, et effectivement, il y a eu cela. Pascal Bourgault a réussi à faire ce truc, et c'est là où on a découvert que le gouvernement régional kurde a mis en place justement une cellule dirigée par le docteur Nouri, un ami que je connais très bien, qui était avant directeur de cabinet de Nisrin Barzani, l'ancien premier ministre kurde, pour justement racheter les femmes. C'est eux, les Kurdes, qui vont avec des passeurs, avec des fouineurs, racheter les filles sur, oui, les filles, hein, sur les marchés, et qui essayent d'en sauver un maximum. Et ça durera tout jusqu'à ces derniers temps, pour essayer justement, et tous les journalistes français le savent, ils ont vu tous ceux qui ont travaillé autour de Sinjar, autour de Mossoul, autour de ce qui s'est passé en Syrie et en Irak, connaissent cela. Il y a aussi un Canadien qui avait envoyé des centaines de milliers de dollars pour racheter. J'avais essayé de faire ça en France, ça n'a pas marché. Les gens voulaient des preuves. Allez. Ouais, les gens voulaient des preuves, on veut bien s'engager, mais docteur Tissot, il faut nous signer un papier comme quoi une telle ou une telle a été sauvée. C'est pas possible, ça. Alors, la question qui est encore d'actualité, peut-être plus que jamais, celle du retour des Yézidis sur leur terre. Un retour souvent impossible, en tout cas maintenant. Sur place, tout a été détruit, il faut le rappeler, anéanti, sans oublier ces nombreuses villes disputées, divisées entre différentes forces politiques et groupes armés. Je vous propose d'écouter le témoignage des guides spirituels des Yézidis, Baba Cher, interrogé sur France Culture le 6 octobre 2017. Craignait-il et craint-il encore que sa religion disparaisse des terres d'Irak? En Orient, généralement, les Yézidis sont en danger, que ce soit en Irak, en Syrie, en Arménie ou en Géorgie. En Syrie, l'identité yézidi a quasiment été effacée. Ils n'existent quasiment plus. La plupart sont partis. Ici, en Irak, c'est pareil, car il n'y a pas de loi pour les protéger. Il n'y a pas de démocratie. Si le Kurdistan devient indépendant, cela sera peut-être bien pour nous, les Yézidis, à condition que ce soit un pays libre et démocratique. Sinon, nous serons toujours en danger. Frédéric Tissot, c'est la voie empruntée. Une région autonome au sein de l'Irak, avec pour les Yézidis... Indépendante. Ah oui, c'est carrément. Un pays indépendant. Ah bah oui, parce qu'il y a déjà une autonomie. Le Kurdistan, dans le cadre de la constitution irakienne de 2005, est une région autonome. Alors plus d'autonomie jusqu'à l'indépendance. Leur jusqu'à territoire, l'indépendance. C'est ça, avec leur police, leur armée. Tout à fait. Et certains Yazidis le souhaitent et le disent. Qu'il faudrait que maintenant la communauté internationale, Nadia Morad l'exprime pas comme ça, mais quasiment, hein, Nadia Morad, que je respecte bien entendu parce qu'elle a, elle a donné sa vie plus que ça, hein, pour sa communauté. Et c'est absolument extraordinaire, ce qu'elle a réussi à faire pour sauver, pour alerter, recevoir le prix Nobel de la paix. Bravo quand même. Hein. Mais donc, il faut... Je rappelle quand même quelque chose par rapport à cela. Moi, le prince Tahsin, qui était le prince de la communauté dont on a entendu le fils tout à l'heure, et le prince Tahsin qui est décédé il y a quelques mois et que je connaissais bien, il m'avait expliqué, il m'avait dit, vous comprenez, docteur Tissot, hein, pourquoi on nous traite d'adorateurs du diable. Il m'avait dit... Vous croyez en Dieu? Je lui avais dit ok, parfois. Il m'avait dit Dieu est bon. Comment voulez-vous qu'il puisse inventer un archange qui serait le diable, qui représenterait le mal? Mais Dieu est bon. Et Lucifer, pour nous, c'est comme l'archange Gabriel. C'est un archange, une créature de Dieu qui est bonne. Et donc, ce ne sont que des grossièretés, des mensonges de nous dire, mais malheureusement, ça les poursuit. Et j'ai aussi, moi, et ça je ne serais pas tout à fait diplomate, mais j'avais déjà perçu dans cette grande région du Kurdistan des petites difficultés pour nos amis, mes amis kurdes, de respecter entièrement... Frédéric Tissot, ce sera le mot de la fin. Vous dites plutôt yazidi que yézidi. Hein, vous prononcez yazidi. Écoutez, je ne sais pas comment je prononce. Non, parce que comme vous y avez. Oui, vous tout à fait. Vous êtes là-bas. Vous Oui, oui, oui. Voilà. Merci, les yazidi. Ouais. Yazidi ou yézidi, merci infiniment, Frédéric Tissot. Au revoir. Merci beaucoup. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le drame des Yazidis, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles pour toute information complémentaire à notre émission. Merci à Clément Berman qui était à la technique aujourd'hui.